But baby, I love me. Now everybody say, yeah. Ça serait-il pas l'émission spéciale? Voilà, l'ouverture des micros. On est tout excités en fait, parce qu'on parle de l'amour. C'est ça, c'est du coup bienvenue sur Comme un ouragan, l'émission féministe un mardi sur deux sur Radio Duo, et ce soir on parle d'amour. C'est clair, et pour dire, bon, on va parler aussi de plein de choses qui sont en rapport avec l'amour. Et ça va être une grande puzzle aussi, parce que comme on est beaucoup moins que prévu, et on a tout pensé et réfléchi différemment sur l'amour, alors on va voir qu'est-ce qu'on fait avec cette grande puzzle, si on arrive à avoir une belle image à la fin. Et moi j'en suis sûre qu'on arrivera à avoir une belle image à la fin. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible de nous envoyer des textos. Sur vos interrogations, vos envies, si vous avez des dédicaces, des déclarations d'amour, des envies de musique, sur un téléphone portable par texto. Le numéro, c'est le 07 58 35 64 18. Et pour dire, comme c'est une téléphone pas smart, ça veut dire de plutôt faire des textos pas super longs, parce que sinon il a un problème. Ou de l'envoyer en plusieurs coups, quoi. Ou envoyer en plusieurs coups. Et après, vous pouvez aussi appeler, mais ça a l'air, la technicienne, elle est très stressée. Parce qu'on n'a jamais pris des appels. Mais bon, on va essayer. En tout cas, si vous voulez appeler, ça sera le 04 77 25 05 80. 14. C'est ça, pour aussi tester notre amour de la technique qu'on partage toutes et tous à Comme un ouragan. Attends, voilà. Est-ce que tu peux redire le numéro, s'il te plaît, de l'insert ? Bien sûr. Alors, chère technicienne qu'on aime, bien évidemment, le numéro pour nous appeler en insert téléphonique, c'est-à-dire passer en direct sur Radio Dio, c'est le 04 77 25 05 94. Et pour les textos, c'est 07 58 35 64 et 18. Voilà, et aussi on avait envie, du coup, pour commencer cette émission, de rappeler qu'aujourd'hui c'est aussi le 12 octobre. Et le 12 octobre, c'est un jour spécial de lutte et de résistance contre le racisme, l'impérialisme et le colonialisme. Et oui, le 12 octobre, parce que c'est le jour anniversaire de la commémoration dégueulasse de l'arrivée des colons en Amérique du Sud, Christophe Colomb entre autres. C'est un jour qui est imposé comme souvenir, commémoration en Espagne et dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Un jour, donc le 12 octobre, qui est synonyme d'exploitation et de génocide colonial qui dure encore activement. Et pourtant, ce jour est encore présenté comme un jour de fête par les institutions officielles. Et c'est pour cela que aujourd'hui, c'est aussi un jour historique de résistance et de lutte autochtone anti-impérialiste en Amérique du Sud et à travers le monde. Pour lutter notamment contre la réécriture de l'histoire et se rappeler des résistances, des résistantes et des résistants, et d'appeler à continuer la lutte sous toutes ses formes. Voilà, c'était important quand même pour rappeler, même si on s'est dit on va reparler d'amour aujourd'hui. C'est ça, et du coup pour commencer à parler d'amour... notre chère technicienne qui s'active avec beaucoup d'efficacité voulait nous proposer la lecture d'une première définition de l'amour surtout son côté amour romantique, amour normatif, l'amour qu'on ne va pas avoir envie de trop présenter dans cette émission d'ailleurs. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi un petit truc à écouter avant ? Il me semble comme ça que dans mon petit fil, il y a écouté. Ouais, c'est vrai ça. C'est la petite introduction à l'amour. Parce que c'est très excitant en fait. Tout. Ouh ! Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. C'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, avant de lire le petit texte, j'invite une de mes collègues à venir en régie pour regarder qu'est-ce que j'aurais pu mal faire dans le tutoriel de l'insert téléphonique. Bien sûr, parce que l'amour, c'est aussi la solidarité collective. Exactement. Du coup, on envoie du backup de renfort en technique sur l'insert téléphonique. En attendant, on a déjà reçu des textos qu'on va pas vous lire tout de suite, parce qu'on va commencer par cette petite chronique extraite d'une brochure. Alors, c'est extrait de la brochure « Contre l'amour ». J'ai pas trouvé la date, mais on peut la trouver sur un faux kiosque. Et l'un des textes, on a pris un petit extrait. L'amour, c'est quoi au juste ? Donc, faut savoir que c'est écrit « amour » avec un grand « A ». L'étiquette « amour » a été inventée par notre riche et maudite culture dans les tréfonds du Moyen-Âge. Une dose de christianisme et une dose d'amour courtois et hop ! Voilà façonné le mythe de l'amour avec un grand A, l'idole amour qui traverse les âges sur son jeune et beau cheval de poèmes romantiques en drames contemporains. Donc là, la personne dit qu'elle n'est pas historienne et qu'elle n'a pas étudié la naissance et la croissance de cette chose. Mais du coup, en parenthèse, moi, je vous invite à lire le livre qui s'appelle « Les sentiments du prince Charles » de Liv Strömquist, je ne sais pas comment ça se prononce correctement. où il y a toute une partie qui parle de cette question et de la naissance de l'amour au 15e, 16e siècle, par là, comme un nouveau dogme et qui est un peu récupéré aussi par la religion pour le réinsérer d'une manière normative. Du coup, l'article continue. Mais donc, c'est quoi l'amour ? Donc là, l'amour est une forme d'échange affectif total, totalisante, totalitaire. L'amour, c'est toutes les formes d'échange affectif réunies. Un monstre, un léviathan, une hydre à moult têtes. Il n'y a pas d'affection partielle ou nuancée, sinon ça ne reste que, entre guillemets, de l'amitié, ou du partenariat sexuel, ou une affection fraternelle. En plus d'être absolu, absolument énorme et absolument exhaustif, l'échange affectif de type amour doit correspondre à des critères précis. Il n'a lieu qu'entre deux personnes hétérosexuelles et il doit être immortel. En tout cas, il doit durer des années et des années. Il doit se vivre en couple exclusif, puis marié, avec des enfants. Le chien, c'est une option. Mais ça aide à se persuader qu'on y est bien, dans ce véritable amour, avec toutes ces choses véritables. Tout ça pour dire qu'on ne blasphème pas avec l'amour, on ne prononce pas son nom en vain, sinon sacrilège, sacrilège. Ouais, du coup voilà, typiquement l'amour que nous on n'a pas trop envie de partager en tout cas, enfin ou en même temps on est dedans, hein, je sais pas comment dire, mais voilà. non mais bon c'était un peu une définition négative là, je trouve, pour commencer l'émission, et que c'est bien parce que je trouve ça repose un petit peu le cadre dans quoi on est construit, que nos imaginaires sont pas mal pourris par ça. Et que justement, nous, on avait envie de proposer d'autres trucs qui donnent d'imaginaire et d'autres forces. Ouh ! Et c'est pour ça, notre chère camarade qui, malheureusement pas avec nous, parce qu'elle nous a fait un petit montage de lecture de lettres de Foucault, qui a écrit vraiment des chouettes trucs. Moi, personnellement, je dois dire, je ne savais pas qu'il écrit des trucs bien comme ça. Je ne vais pas raconter qu'est-ce qu'ils disent parce qu'on va l'écouter et après on peut parler un peu de ça. En tout cas, écoutez bien, mettez-vous bien sur votre canapé, dans le lit, parce que c'est avec une petite musique et c'est très, très bien à écouter. Voilà, laissez-vous porter par les paroles. L'amour. Je voudrais dans cette émission sur l'amour partager quelques extraits d'une conversation qu'a eu Michel Foucault en 1981 avec Gilles Barbedette qui était journaliste à Guépier. Guépier, premier journal homosexuel en France, qui a commencé à paraître en 1979. Le texte s'appelle « Le triomphe social du plaisir sexuel ». J'en ai seulement choisi quelques extraits, et plutôt quand Michel Foucault parle. À mon avis, nous devrions considérer la bataille pour les droits des gays comme un épisode qui ne saurait représenter l'étape finale. Cela pour deux raisons. D'abord parce qu'un droit dans ses effets réels est beaucoup plus lié encore à des attitudes, à des schémas de comportement qu'à des formulations légales. Il peut y avoir une discrimination envers les homosexuels même si la loi interdit de telles discriminations. Il est donc nécessaire de se battre pour faire place à des styles de vie homosexuels, à des choix d'existence dans lesquelles les relations sexuelles avec les personnes du même sexe seront importantes. Il n'est pas suffisant de tolérer à l'intérieur d'un mode de vie plus général la possibilité de faire l'amour avec quelqu'un du même sexe à titre de composante ou de supplément. Le fait de faire l'amour avec quelqu'un du même sexe peut tout naturellement entraîner toute une série de choix, toute une série d'autres valeurs et de choix pour lesquels il n'y a pas encore de possibilité réelle. Il ne s'agit pas seulement d'intégrer cette petite pratique bizarroïde qui consiste à faire l'amour avec quelqu'un du même sexe dans des champs culturels préexistants. Il s'agit de créer des formes culturelles. Et c'est là quelque chose de neuf à faire. Qu'au nom du respect des droits de l'individu, on le laisse faire ce qu'il veut, très bien. Mais si ce qu'on veut faire est de créer un nouveau mode de vie, alors la question des droits de l'individu n'est pas pertinente. En effet, nous vivons dans un monde légal, social, institutionnel, où les seules relations possibles sont extrêmement peu nombreuses, extrêmement schématisée, extrêmement pauvre. Il y a évidemment la relation de mariage et les relations de famille, mais combien d'autres relations devraient pouvoir exister, pouvoir trouver leur code, non pas dans des institutions, mais dans d'éventuels supports, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous vivons dans un monde relationnel que les institutions ont considérablement appauvri. La société et les institutions qui en constituent l'ossature ont limité la possibilité de relation. Parce qu'un monde relationnel riche serait extrêmement compliqué à gérer. Nous devons nous battre contre cet appauvrissement du tissu relationnel. Nous devons obtenir que soient reconnues des relations de coexistence provisoire, d'adoption. Pourquoi pas d'adoption d'un adulte par un autre ? Pourquoi n'adopterais-je pas un ami plus jeune que moi de 10 ans ? Et même de 10 ans plus vieux ? Plutôt que de faire valoir que les individus ont des droits fondamentaux et naturels, nous devrions essayer d'imaginer et de créer un nouveau droit relationnel qui permettrait que tous les types possibles de relations puissent exister et ne soient pas empêchés, bloqués ou annulés par des institutions relationnellement appauvrissantes. C'est important parce que, en échappant à la catégorisation homosexualité-hétérosexualité, les gays, je pense, ont une démarche importante et intéressante. Ils définissent autrement leurs problèmes en essayant de créer une culture qui n'a de sens qu'à partir d'une expérience sexuelle et un type de relation qui leur soit propre. Faire échapper le plaisir de la relation sexuelle au champ normatif de la sexualité et à ses catégories. Faire par là même du plaisir le point de cristallisation d'une nouvelle culture. C'est, je crois, une approche intéressante. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Le triomphe social du plaisir sexuel. C'est pas un texte très connu de Foucault. Celui qui est surtout connu sur ce qu'il a pensé de l'homosexualité, qui était aussi un entretien avec des journalistes de Guépier, c'est un texte de quelques mois plus récent, d'avril 81, qui s'appelle « De l'amitié comme mode de vie ». J'en ai choisi encore un extrait. Bonne écoute. Autre chose dont il faut se défier, c'est la tendance à ramener la question de l'homosexualité au problème du « qui suis-je ? Quel est le secret de mon désir ?» Peut-être vaudrait-il mieux se demander « quelles relations peuvent être, à travers l'homosexualité, établies, inventées, multipliées, modulées ?» Le problème n'est pas de découvrir en soi la vérité de son sexe, mais c'est plutôt d'user désormais de sa sexualité pour arriver à des multiplicités de relations. Et c'est sans doute là la vraie raison pour laquelle l'homosexualité n'est pas une forme de désir, mais quelque chose de désirable. Nous avons donc à nous acharner à devenir homosexuels et non pas à nous obstiner à reconnaître que nous le sommes. Ce vers quoi vont les développements du problème de l'homosexualité, c'est le problème de l'amitié. Entre un homme et une femme plus jeunes, l'institution facilite les différences d'âge. Elle l'accepte et la fait fonctionner. Deux hommes d'âge notablement différents, quel code auront-ils pour communiquer ? Ils sont l'un en face de l'autre, sans armes, sans mots convenus, sans rien qui les rassure sur le sens du mouvement qui les porte l'un vers l'autre. Ils ont à inventer de A à Z une relation au corps sans forme et qui est l'amitié, c'est-à-dire la somme de toutes les choses à travers lesquelles, l'un et l'autre, on peut se faire plaisir. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana huti de waze. Awuka na moyo. Kaere hana. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Galio Hanzao, Wasi Hendro. sewa okumu hata iwasa zetabu waona eshelea zendema zao wakubali. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. The one far from home. The one that fills your soul. Take care of the one I hold your hand when it's cold. Come home, so I know that you know. I'm Hanzo. I know that you know. Timbi odo zamba daima bainu dunia izu kweli mahaba kaya fahi uara. I'm Hanzo. I know that you know. I'm Hanzo. I know that you know. Comme vous avez peut-être remarqué, on a des petits problèmes techniques parce qu'il y a une prise, une petite jack qui normalement transmet les trucs de l'ordi dans la radio. Et bon, on espère que vous nous entendez quand même. Bon, on va continuer, hein. Ça va aller, je crois. Voilà, il y avait cette petite musique de Imani, Take Care. Et voilà les deux lettres, ou des bouts de lettres de Foucault. Et moi, je trouve, parce qu'on a reçu là un message, ou plusieurs, mais un message qui, pour moi, ça rebondit pas mal, ou bien sur le texte, ça marche bien. Je vais lire le texto, et vous, voilà. Bonjour comme un ouragan. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver quelqu'un avec qui construire une relation durable dans le milieu militant? Je désespère. Ou bien, faut-il que je renonce? Bon, j'ai dit, pour moi, ça marchait avec Foucault seulement parce qu'il a dit aussi ce truc de comment c'est plus ou difficile de... Comme tu es homosexuel, de trouver d'autres formes de relations quand c'est des relations qui ne sont pas voulues. Ça veut dire qu'il faut tout réfléchir à nouveau. C'est pour ça que j'ai eu envie de lire ce message pour... tu veux répondre peut-être? Ouais, et puis moi je trouve déjà que les textes, ils étaient vraiment très, très chouettes à écouter. Et merci à la personne qui nous a envoyé ce texto, merci. Qui se trouvait une... question qui traverse pas mal, qu'on l'a lu un petit peu avant l'émission et que du coup ça a mis le temps un petit peu de réfléchir à comment répondre à ça. Et moi je trouve ça bien là, déjà ce que tu viens de dire, que je crois déjà il faut je pense qu'on a une capacité à culpabiliser, à se dire que c'est de nous que vient le problème, alors qu'effectivement on reste quand même dans un monde très normé, avec une certaine représentation de l'amour, et que c'est pas facile quand on est dans d'autres luttes, d'autres envies, d'aller fabriquer nos propres imaginaires et besoins. Ensuite, le milieu militant, je pense aussi que c'est pas un endroit qui est que simple, et qui véhicule aussi beaucoup à la fois de... je pense à la fois qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés, qui sont à fleur de peau, qui ont plus ou moins des casseroles, et que des fois ça aide pas non plus à être tranquille dans comment est-ce qu'on se fabrique des relations et comment on est sincère dans ce qu'on peut mettre en jeu ou pas, et que ça faut pas le perdre de vue, qu'on a peut-être des casseroles, et que des fois de partager nos casseroles, c'est pas que simple, et ça amène pas à pouvoir faire des relations durables et qui nous conviennent. Bon, aussi, moi, je trouve de voir c'est quoi les relations. Si on dit relations, de quoi on parle? Parce que je trouve toujours, si on parle de relations amoureuses, ça devient tout de suite super compliqué. Mais par exemple, je trouve aussi pour moi des relations, on va dire amoureuses ou d'amour, c'est aussi beaucoup des amitiés et de me dire, de prendre, pour moi c'est des trucs qui durent et que un truc très important et de mettre aussi beaucoup du temps de l'amour là-dedans, je ne sais pas comment dire, que aussi que peut-être il y a moins besoin ou de réfléchir aussi en fait de quoi j'ai besoin aussi. Si je parle de relations amoureuses, est-ce que c'est seulement la baise? Est-ce que c'est bon, en fait, je ne sais pas, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pareil, mais de voir aussi peut-être d'avoir plusieurs relations importantes et durables où tu n'es pas une personne et ça dure pour forever et tu partages tout avec cette personne parce que ça, ouais, ça paraît un peu dur. Ouais, renonce et puis... Que... Non ? Non, je dis renonce pas. Ouais, c'est ça, renonce pas. Non, mais c'est vrai, moi j'ai envie de dire qu'il faut pas renoncer et que des fois, par contre, il y a le droit de dire que c'est dur et qu'on en a marre et que c'est bien de partager ça aussi parce que ça sert à rien de se présenter comme des super robots ou des super militants qui géreront tout ça parce que généralement, c'est assez faux et qu'il faut pas renoncer et puis continuer, je crois... à réussir à comprendre un peu ce dont on a besoin, comment on l'exprime, et comment est-ce qu'on s'attache à des gens avec qui ça peut matcher aussi. Voilà. Après, moi je réfléchissais à la question du milieu militant. Est-ce que tu peux peut-être aussi trouver une... peux trouver des personnes avec différentes formes d'amour, mais qui seraient militantes, mais qui font pas forcément partie du milieu actif aussi, du coup, ou du milieu comme parce que le milieu c'est large, enfin, mais voilà, ou qui sont là sporadiquement, ou que on voit moins, parce que du coup il y a aussi des gens plus ou moins visibles, des gens plus vers qui on est plus ou moins attiré. Selon aussi qui fait quoi, etc. Et que de ne pas oublier de regarder les personnes qu'on voit moins, peut-être. Ouais, carrément. Moi, je trouve que c'est ça aussi, que peut-être... qu'en tout cas, j'ai l'impression que ce que ça nous évoque, c'est qu'effectivement, c'est difficile, ce pari-là, de faire des relations durables amoureuses à l'intérieur du milieu militant. Et que c'est peut-être aussi parce que c'est un milieu où on est beaucoup vu, regardé, où on se regarde beaucoup les uns les autres, où il y a beaucoup d'intensité qui se partage, et que c'est peut-être pas les endroits les plus simples aussi pour partager les vulnérabilités amoureuses. Ouais. Bon, on espère, on t'a donné quelques réponses. Sinon, s'il y en a d'autres personnes qui ont des réponses, vous pouvez aussi faire des petits messages, bien évidemment, carrément. Pour qu'on fait 3 heures d'émission sur l'amour et comment avoir des relations durables. Pour ça, on prend. Mais peut-être pour faire une petite switch, on a plusieurs petites virgules. Que, en fait, j'ai enregistré des gens et je leur ai posé la question, c'est quoi l'amour pour toi ? Tout simplement. Tout simplement, en fait. Et pour dire quand même, les gens, ils n'ont pas vraiment eu de temps pour réfléchir des heures, c'était un peu spontanément. D'autres, je crois, ils ont un peu réfléchi, mais on voit bien, il y a des réponses très différentes. Alors, on va écouter une petite première virgule et merci encore une fois aux potes. Qui ont répondu à cette question qui est quand même vraiment pas facile. Alors, c'est quoi l'amour pour toi ? Alors, pour moi, l'amour, c'est les petits mots. Tu vois, les petits mots que tu te laisses sur la table pour dire bonne journée, je rentre ce soir, des bisous. C'est les petits mots que tu fais passer par des punk posts. C'est les petits mots que t'envoies par la poste. C'est les petits mots que tu laisses sur le lit ou que tu laisses dans la cuisine ou dans la voiture. Ou voilà, c'est les petits mots. Pour moi, l'amour, c'est plein de choses, finalement. Il y a plein d'amours différents. Je pense que l'amour amoureux, l'amour des amis, que même ça a plein d'échelles, des espèces d'amour inconditionnel qui peuvent arriver avec la famille ou les vieux potes ou avec qui, en fait, on se dit pas grand-chose, mais on s'aime quand même. Du coup, c'est un peu tout un spectre, finalement, l'amour. Pour moi, l'amour, ça doit être inconditionnel, je dirais. Ou en tout cas, c'est comme ça que je me le représente, un truc où on aime sans condition. Mais pour ça, il faut avoir super confiance. L'amour, c'est quelqu'un qui pense à toi. Pour moi, c'est du passé. C'est rapide, court, ça ne dure pas, mais c'est intense. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument pas sexué et d'universel, y compris avec des inconnus ou avec des proches. Mais c'est toujours un peu universel et pas du tout bisous, pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus respectueux. Je crois que c'est plutôt quand j'observe quelque chose ou quelqu'un ou quelqu'une et ça me remplit avec un sentiment d'amour finalement. Un peu comme chaud et tu es contente et tout. Je crois que oui, ça peut m'arriver, je suis à un endroit et c'est trop beau et je regarde et ça me remplit. Ou je regarde une personne et c'est bon comment la personne bouge ou je vais voir. Ça fait un trop bel sentiment à l'intérieur. Et peut-être c'est ça l'amour. Alors l'amour pour moi, c'est quand l'envie de dire des belles choses à quelqu'un est plus forte que la peur de la réponse. So what? Can't get a date. Single as fuck, I'm not getting laid. So what? My mom thinks I'm great. Spend Friday night with my paper mache. I go to parties, only couples there. Telling me someone from me's out there. I roll my eyes cause I just don't care. Rather dance home alone in my underwear. I'm alone, I love myself. So alone is fun as hell. I'm alone, I love myself. So alone, it's fun as hell. I do what I want, no ball and chain. So space in my brain for non-love things. I do what I want, I'm creating. Bang, bang, hot blue wang. Everything is big in the grocery. Everything is big for a family. I just want a stick of celery. I just want a sprig of parsley. I'm alone, I love myself. So alone, it's fun as hell. I'm alone, I love myself. So alone, it's fun as hell. I don't care, it's hard out there. Everyone's telling me they're scared I'm weird. I don't care, you're getting old there. Everyone's telling me they want me paired. PDA to my left and my right. It's just me, myself, and I. Everything gonna be alright. I'll spoon my pillow tonight. I'm alone, I love myself. So alone, it's fun as hell. I'm alone, I love myself. So alone, it's fun as hell. A-L-O-N-E, that's me. A-L-O-N-E, that's me. Don't date much more time for my crew. Can I have a table for one? Sure. Eat alone is so much fun. Yeah. Bring a book, learn something. Tony Morrison. My company I'm enjoying. I'm alone, I love myself. So alone is fun as hell. I'm alone, I love myself. So alone is fun as hell. I'm alone, I love myself. So alone is fun as hell. I'm alone, I love myself. So alone is fun. Et on vient de s'écouter. Alors, quand je pense à l'amour. Et on vient d'écouter encore quelqu'un qui a parlé derrière nous. Il y a plein de gens, en fait, qui viennent, qui veulent parler de l'amour. On est envahis dans le studio, là, des gens qui étaient hors d'amour, en fait, qui viennent essayer de prendre le micro, mais on. C'est nous qui draillons le truc, c'est en fait. Clair. C'est quoi cette idée? En plus, parce qu'on voulait lire un petit extrait d'une brochure que nous, on aime beaucoup. Je dis nous, ouais, nous. Ouais, nous, nous. Ouais. Nous, nous, nous, nous. Et merci à cette pote camarade qui a écrit cette brochure. Moi, voilà, J'ai trouvé ça très bien quand je l'ai lu la première fois et la deuxième fois aussi. Et ça s'appelle « L'amour, le sexe, pourquoi j'ai déserte ». Et on va vous lire deux, trois petits extraits pour ça. Et bon, je vais commencer quand même avec une petite introduction qui est écrite. Et je dois m'organiser parce qu'il y a plein de trucs sur la table. C'est pas du tout facile la vie dans la radio, mais vous, vous le voyez pas du tout. Vous avez l'impression que c'est tout simple, parler comme ça dans une micro, mais non, il y a plein de trucs sur la table. Alors, je vais commencer. Il y a des années, j'ai cherché pendant un moment des trucs à lire sur la sexualité et sur l'aromantisme. Sur comment faire autrement, construire autre chose. J'avais besoin de remuer ces trucs-là pour réfléchir, pour mieux comprendre, sans trop savoir ce que je cherchais précisément. J'étais un peu restée sur ma faim. Je m'étais mise à écrire pour moi, régulièrement, pour sortir ce qui débordait. Et parce que ça m'aidait à me clarifier la tête sur ce que je pensais, mais que j'entendais de nulle part. Depuis, j'avais envie de sortir quelque chose, pour que quelque chose existe. Je suis pas à l'aise avec publier des textes, mais je me disais que pour le coup, ça faisait pas une grosse pression à ne pas répéter des trucs entendus et re-entendus. Ça me fait peur de dire ce que je pense, que les autres l'entendent, d'être trop offensif, blessant. J'ai peur de regretter, de changer d'avis. Mais je me dis que si quelqu'un l'avait écrit, cette brochure, ça m'aurait bien plu de la lire. Alors j'espère que ça ferait ça à des gens. Arrêter le sexe. Arrêter le sexe, les relations amoureuses. Pas facile à faire. Pas facile avant de changer les choses, d'imaginer que ça pourrait marcher. Que c'est possible. Surtout qu'on n'a pas trop de modèles et la tête blindée de discours sur ce qu'on devrait faire. Pas facile de penser à tout ce qu'on va perdre sans connaître encore ce qu'on va y trouver. De se dire qu'on est capable, que c'est pour nous aussi, pas que pour les autres. C'est pas facile de faire le deuil de choses qui nous rassurent, même quand elles nous emmerdent. On croit souvent qu'on est plus en sécurité dans un truc inconfortable quand on est bien. On croit souvent qu'on va plus perdre à faire ce qu'on veut qu'à faire ce qu'on devrait. Mais ça ne nous amène pas au même endroit. Et plus on va vers où on veut, plus ça nous avance dans les trucs qui nous intéressent, qui nous plaisent, qui nous vont bien. Souvent, ce n'est pas facile de se dire que c'est le bon moment. On croit toujours qu'on a tellement à prouver, être prête, être sûre. On croit toujours que les autres n'ont pas choisi, que c'était évident. On croit que pour faire des choix, il faut ne pas avoir le choix. Si tu ne fais pas des relations amoureuses, c'est que tu n'y arrives pas. Si tu ne fais pas de sexe, c'est que c'est trop compliqué. À quoi ça tient de faire des choix, de prendre des tournantes dans sa vie? Ça tient à accepter de lâcher les bouts qui nous rassurent même si nous emmerdent bien, pour en accrocher d'autres, rencontrer des gens, creuser des sujets, va d'autres endroits. Imaginez d'autres manières de faire. Ça tient à savoir qu'on a le droit. Des fois, ça tient à l'imaginer juste quand personne nous l'a dit. Des fois, ça tient à une phrase entendue un jour et la tête qui fait le reste. Ça tient à accepter de perdre des bouts de son statut, de décevoir certaines, mais ça n'en étonne d'autres. Ils, elles, sont intéressés. C'est reconstruire l'image qu'on a de soi. Se reposer la question de ce qui nous constitue, ce qui fait qui on est. Souvent, se connaître de l'extérieur les images qu'on va nous renvoyer dealer avec la honte. Connaître d'avance la pitié, les mépris. Apprendre à s'en foutre. Apprendre la fierté. Et avec le temps, c'est à se remercier des choix qu'on a faits, ce qu'on s'est permis, ce qu'on a évité. Se remercier d'accepter et de prendre soin de soi. Je continue avec un autre passage de la brochure. Ces dernières années, j'apprends à renoncer à être préférée. Avec le temps, je commence à comprendre que ce que je n'aime pas dans les relations, c'est le stress, l'angoisse, l'insécurité. Et ce qui me provoque le plus d'angoisse et d'insécurité, c'est le fait de ne pas savoir si je suis le préféré de la personne. s'il y a d'autres, une autre personne plus importante pour l'autre. Les relations où je me sens tranquille sont celles où je sais que ce n'est pas le cas. Sinon, soit je me doute que ce n'est pas le cas, sans en être sûr, alors je voudrais être le préféré, soit je me dis que je le suis peut-être, et j'angoisse de ne pas le rester. De capter ça, ça m'a posé la question de ce que je cherchais là-dedans, et de ce que je fais pour et ce que je fais pour que ça marche, ce que j'abandonne de ce que je veux. Je croyais que j'avais besoin d'être le préféré de quelqu'un. Je croyais que pour être important, il fallait être préféré. Je croyais qu'il fallait être important. Pas être important pour être pris en compte, pour qu'on s'organise avec toi, mais important pour exister, pour avoir de la valeur en soi. En y repensant, je ne sais plus trop pourquoi. Plus ça va, plus ça m'arrive de m'en foutre d'être important, d'être préféré. Je suis bien content d'être aimé, d'être apprécié, et c'est déjà pas mal. Je suis bien content quand j'arrive à construire des relations que je trouve nourrissantes, enrichissantes, où je me marre bien et que je me prends pas trop la tête. Et ça a pas grand-chose à voir avec chercher à être le premier pour l'autre ou les autres. Au contraire. J'apprécie vraiment les gens quand je les regarde comme ils sont, alors que quand je les colle pour être le plus près que les autres, j'ai du mal à avoir de la perspective pour apprécier tout ça. Plutôt qu'être important, je mise sur partager des bons moments, s'intéresser. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, merci pour cette brochure, pour ce texte, pour ce partage. Je crois qu'il y a plein de personnes qui sont contentes que c'était écrit. Du coup, on vous propose d'écouter People's Faces de Kay Tempest. Tempest, merci. Bonne écoute. Et avant que ça commence, on peut rappeler le numéro de téléphone où vous pouvez nous écrire des textos. On en lira un après cette musique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire au 07 58 35 64 18. Ce numéro s'autodétruira dans une heure. C'est le moment pour tout donner. Et bonne écoute pour People Faces de Kate Tempest. It's coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well, here we are. Dancing in the rumbling dark. So come a little closer. Give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. Another disaster, catharsis. Another half-discarded mirage. Another mask slips. I face off with the physical. My head's ringing from the love of the stars. There is too much pretense here. And too much depends on the fragile wages and extortionate rents here. We're working every dread day that is given us. Feeling like the person people meet really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble. Like any minute now the struggle's gonna finish us. And then we smile at all our friends. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. I saw it roaring. I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end. But it's hard to accept that we're all one and the same flesh, given the rampant divisions between oppressor and oppressed. But we are, though. More empathy, less greed, more respect. All I've got to say has already been said. I mean, you heard it from yourself when you were lying in your bed and couldn't sleep, thinking, couldn't we be doing this differently? I'm listening to every little whisper in the distance singing hymns, and I can feel things changing. But it's so hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow, and I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. It's not enough to imagine we'll be happy when we've got enough stuff. All this stuff is blocking us. I'm neat with no chaser. I'm all spirit, but I'm sinking. Because these days are not days, but strange symptoms. And this age is our age, but our age is rage sinking to beige. And yes, our children are brave, but their mission is vague. Now, I don't have the answers, but there are still things to say. I stare out at my city on another difficult day, and I scream inwardly, when will this change? I'm beginning to fade, but my sanity's saved, 'cause I can see your faces. My sanity's saved, 'cause I can see your faces. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow, and I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. I love people's faces. Et voilà, moi c'est une chanson qui me fait beaucoup de frissons et que j'aime beaucoup, qui je trouve qu'il y a une très belle façon de parler d'amour aussi. Et qui appelle à se regarder les unes les uns les autres et de laisser place à ça, à ce qu'on peut voir dans le visage des gens qui nous entourent. Et pour continuer sur cette émission, je vais vous lire un texto que nous avons reçu, parce que nous recevons beaucoup de messages. Non, c'est pas vrai, en vrai c'est le deuxième qu'on a reçu. Mais d'ailleurs, je vais vous en lire deux à la suite parce que je trouve qu'ils marchent un petit peu ensemble. Alors, le premier message, c'est: alors, on peut pas vous écouter en direct, mais quand même pour dire que l'amour, ben, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Dépend de quoi on parle, mais moi, j'aime mes amis. On vous t'aime aussi. Oui. On vous t'aime aussi, c'est ça. L'autre message, du coup, il y a quelques bouts en texte manquant, mais on peut reconstituer l'idée. Ouais, on peut reconstituer l'idée générale du message. Déjà, merci beaucoup à la personne qui nous a envoyé ça. Alors, c'est bonsoir comme un ouragan. Bonsoir à toi. L'amour pour moi, je le vis très fort pour mes amis, moins pour mes amants. Car pour les amis, je me projette sur du long terme, pas avec les amants-amantes. Aussi, dans mes relations sexuelles affectives et non exclusives, je mets en place des stratégies pour que l'émotionnel puisse circuler régulièrement. Et ça, voilà, et on imagine, et ça peut, texte manquant, déboussoler ou en rade, en peur d'un manque d'amour. Parce qu'on se parle moins de nos codépendances, de nos régularités pour se voir. Ça se passe beaucoup trop dans l'informel. Et pour ma part, ça me perd. L'amour, donc, pour les gens avec qui j'ai choisi de construire des projets collectifs et de se projeter ensemble pour un bout de chemin. Voilà, belle émission, un auditeur. Bon, merci pour ce message. Ouais, pourrais me presque retrouver un peu dedans, mais bon, c'est pas moi qui l'écris. Ouais, bah, moi en tout cas, c'est ça. Je crois que ce que ça évoque, c'est comment les amitiés, elles sont très centrales aussi. Et que aussi, ça demande de prendre soin des amitiés et de pas hésiter aussi à aller causer de nos vulnérabilités à l'intérieur de ce qui s'échange, parce que c'est très fort aussi quand on les place à un endroit pilier dans nos vies. Ouais. Je crois que c'est aussi parce qu'on peut s'écouter une deuxième virgule de « c'est quoi l'amour pour toi ?» Parce que dans mon souvenir, il y a des gens qui parlent aussi de ça. Alors on va s'écouter le petit deuxième virgule. Alors quand je pense à l'amour, j'ai parfois le cœur qui se serre d'anticipation. L'anticipation, la peur de perdre quelque chose qui vient d'arriver dans ma vie. La peur de souffrir et de ne plus jamais être aimé. Mais la plupart du temps, quand je pense à l'amour, je pense à la sensation de joie intense que je ressens quand je regarde, un peu comme un spectateur, tous mes amis réunis dans la même pièce pendant un repas convivial. C'est ces moments où je me dis que je ne les échangerai pour rien au monde. Je pense aux blagues qu'elles font, les yeux pétillants, aux petites attentions, aux mains sur les épaules. Pour moi, l'amour, c'est ne plus être seul. Eh ben, tu vois, en fait, Titanic, Rose et merde, et Jack. Eh ben, c'est ça, l'amour. Bah pour moi, l'amour, c'est un truc hyper important. Et quand même, c'est aussi quelque chose d'hyper douloureux. C'est une émotion, une condition à l'intérieur, comme j'ai l'impression que c'est une émotion, mais c'est aussi une pensée. Et du coup, c'est comme s'il y avait l'émotion et la pensée qui fabriquaient plein de choses dans tout ton corps et jusqu'à dans toutes ces cellules. Du coup, c'est comme quelque chose qui nous habite. Par exemple, cette semaine, j'ai trouvé que c'était super de dire « je t'aime ». J'ai dit « je t'aime » à une amie à moi et j'ai trouvé que c'était beau parce que quand c'est une amie, je peux dire « je t'aime » alors que quand c'est une amoureuse, je suis obligée de dire « je t'aime » un peu. Ça dépend comment on l'entend, mais s'il y a tout ce que voudrait nous faire croire la société, là, dans ce cas-là, l'amour, c'est la plus grande arnaque du siècle. Parce qu'en fait, finalement, l'amour, c'est un peu chaque personne qu'il trouve et qu'il définit comme il ou elle a envie. C'est pas quelque chose d'unique ou de spécial, quoi. Enfin, c'est selon les rencontres, selon les gens, selon les choses, ça fait des choses différentes. On rencontre quelqu'un, on va l'aimer pour quelque chose. On rencontre quelqu'un d'autre, on va l'aimer pour quelque chose d'autre. Ça va être de la curiosité, ça va être de l'intérêt pour la personne, ou ça va être un lien, ça va être ce qu'on a envie d'en faire, en fait. Ce truc de les gens, t'as envie qu'ils vivent, en fait, ça devient très important pour toi. Ouais. Un truc comme ça, de sentir que c'est des personnes qui sont précieuses pour le monde. Il y a ça, et il y a aussi un truc de que ça fait que tu crées un espace avec les gens où il y a de la place pour exister et pour, je sais pas, grandir. Merci beaucoup une deuxième fois. Pour tous les témoignages. Ouais. Ouais, ça fait pas mal d'émotions, hein, finalement. Ouais. Ouais. On a des petits tears in our eyes. C'est parce que c'est l'amour. Voilà. Et bah ouais, ça fait du bien d'entendre tout ça. Bah, moi, je trouve qu'on en a besoin, encore plus besoin en ce moment. Et puis aussi, ce dont on a besoin et ce qui fait du bien à l'amour, c'est un petit peu les blagues aussi. Et je crois qu'on va s'écouter un petit reportage spécial avec quelqu'un qu'on aime très très fort et qui nous procure beaucoup d'amour dans notre cœur parce qu'elle nous fait beaucoup rigoler. On s'écoute un reportage spécial auprès de notre spécialiste de l'amour. Voilà, dans vous êtes bien dans la rubrique trucs et astuces de l'amour. Du coup, notre équipe de grands reporters a continué son aventure de recherche en fait, effrénée aux quatre coins de la France pour répondre à toutes les mystérieuses questions que vous vous posez. On se rappelle que la semaine dernière, nous avons répondu grâce à d'éminents spécialistes à la question sur comment faire une coparentalité sans enfant réussie. Maintenant, nous attelons à la question, vous avez été de nombreux, nombreuses à nous poser la question sur comment réussir, qu'est-ce que le polyamour et comment bien s'y prendre. Du coup, notre équipe s'est donc retrouvée à Marseille. Nous y sommes donc lundi 11 octobre 2021 au sein de notre éminente spécialiste qui souhaitera peut-être se présenter. En tout cas, voilà, du coup, qu'est-ce que le polyamour ? Oui, bonjour. Alors moi, je suis docteur en sciences de l'amour et à l'université des sentiments, qui est située vers Saussay-les-Pins. C'est ça, oui, l'université des sentiments, qui nous a reçu plusieurs fois, qui a une précieuse réponse sur nos grands questionnements. D'ailleurs, on vous remercie pour cette prestigieuse fondation. Et alors, le polyamour, c'est très simple. Finalement, il repose sur quelques mots auxquels il faut penser, comme « bonjour »,« merci »,« s'il vous plaît », »,« poser des questions ouvertes », ou « puis-je ». Ok, bah écoutez, merci, effectivement, une fois que c'est dit, alors que ça fait très peur finalement, le polyamour, en quelques mots, tout est réglé. On vous remercie extrêmement pour cette intervention qui, je pense, satisferont la plupart de nos auditorices. Merci, merci d'être venu jusqu'à nous pour une question rayonnée à travers le monde. Tout à fait, et on vous dit à la semaine prochaine. Et voilà, on est de retour sur le plateau où nous avons quitté du coup ce petit temps de reportage payé par Comme un ouragan à Marseille. C'était cher, hein? Ouais, c'était cher. Il prend beaucoup d'études, là, le professeur. Mais bon, merci beaucoup. Ouais, merci professeur. Alors des spécialistes, il faut ce qu'il faut, hein. Moi, j'ai eu envie, peut-être un peu bizarre, mais hier, quand j'ai savé quand même un peu en avance, hier, qu'on va faire une émission sur l'amour, j'ai eu envie d'écrire une lettre à ma mère que je vais vous lire. Vous allez comprendre pourquoi. C'est très court, vous n'avez pas peur, c'est très court. Lettre à ma mère. Dans mon souvenir, on n'était jamais très proches, émotionnellement ainsi physiquement. Je sais que ça doit être faux, parce que de temps en temps, il me monte des souvenirs que je me sentais bien en sécurité avec toi quand j'étais enfant et malade. Mais il y avait un moment entre nous, un peu hors du temps, où c'était comme tous nos embrouilles, tous nos malentendus et toutes nos blessures que nous avons en nous fait étaient pour un moment plus du tout importants. J'étais chez toi, c'était une semaine avant ton mort, et on savait qu'il ne te reste pas beaucoup du temps. Tu n'allais pas bien, alors je m'étais assise sur ton lit, et toi tu as mis ta tête sur mes jambes, et j'ai commencé de te caresser la tête. J'ai jamais fait ça avant dans ma vie. J'ai eu une folle envie que tu ne sens plus tes douleurs, une folle envie que tu arrives à te libérer de tes pensées, ta colère, ta tristesse, tes angoisses, qui t'a pesé un bon bout de ta vie. Une envie folle que tu saches que tu es belle et forte et que tu te sens aimée. Une envie que tu saches que je t'aime. Mais j'ai rien dit et je regrette, mais j'espère que tu l'as senti comme moi je l'ai senti. Et pourquoi alors je raconte cette histoire? Pour moi, c'est pas seulement une histoire triste, parce que quand je me souviens de ce moment, ce sentiment entre nous, ça me remplit plus avec du joie qu'avec la tristesse. Je dis pas souvent « je t'aime » dans ma vie. Et peut-être c'est pour ça que j'ai envie de la raconter. Parce que j'ai envie que les gens qui savent que je les aime pendant qu'elles ils sont vivantes. Mais ça fait un moment que j'ai des bonnes formatrices pour ça autour de moi. Merci à elles et eux, je vous aime. Sur le tableau de bord, un avis de passage, un petit mot, presque rien, un aller sans retour. Laissez Franco de port à la gare de triage, un petit mot. Ferme pas la porte, j'ai pas la clé, fallait que je sorte, mais je t'ai laissé au coin de la table ce trois fois rien d'indispensable. J'aime bien t'écrire pour ne rien dire, te faire des vers sur le frigidaire, te dire que je t'aime sans que ça ressemble à un poème. J'aime bien t'écrire sans préavis, t'écrire l'avenir jusqu'à minuit, te dire que je t'aime sans avoir l'air de rien. J'aime les express, les petits billets qui n'ont pas d'adresse, rien d'important, rien de spécial, mais c'est urgent. J'aime les ratures, points de suspension, les points de suture, des petits brouillons pour dire que je t'aime sans avoir l'air de rien. L'amour pour moi, c'est quand il se passe des trucs dans notre ventre, mais c'est surtout un rapport avec les gens, un rapport particulier avec des personnes. Voilà, qui peut être aussi, pour moi, il y a plein de gens que j'aime fort et qui, et c'est pas forcément lié à des trucs de rapport sexuel, mais aussi d'amitié très forte. Bon, l'amour, des jours je me dis c'est ça qui donne du sens à la vie. Et d'autres jours, je me dis, c'est vraiment une grosse arnaque. Je trouve que c'est le plus beau sentiment qui puisse exister au monde. C'est le lien, c'est un lien qu'on ne peut pas expliquer, qu'on éprouve pour des gens, des éléments, des choses. Je trouve que l'amitié, par exemple, c'est un beau... Non, c'est pas une définition de l'amour. Non, je sais pas, je trouve que souvent, on parle de l'amour quand on parle de l'amour amoureux, alors qu'en fait, je trouve que l'amour, il est beaucoup plus grand que l'amour amoureux. Il y a, je sais pas, c'est les liens entre les gens. Et des fois, il y a des amours incompréhensibles, et on sait pas pourquoi on aime les gens. Je parle notamment des familles... comment on dit, là? Des familles où t'es né, là. Nucléaire. Bah, des fois, t'as des gens, tu dis que tu les aimes, et en même temps, tu les détestes aussi. Mais pourtant, il y a de l'amour, où tu continues à avoir du lien avec des gens qui te font du mal. Donc c'est un peu tout et n'importe quoi, l'amour, mais c'est du lien. Ça m'inspire pas, cette question. Alors moi, l'amour aussi, c'est quand je vois deux personnes que j'aime, mais je me suis pas forcément dit « Ah, je les aime ». Mais en fait, quand je les vois ensemble, et que là, ça me remplit d'un espèce de grand, d'une grande vague, où je me dis « Oh !» Mais je les aime tellement, mais c'est comme si le fait que j'aime ces deux personnes, ça se passe vraiment au moment où les personnes, je les vois faire des choses ensemble, rigoler ensemble. Quand tu me dis l'amour comme ça, je pense tout de suite au couple et je me dis du coup c'est la merde. Et après je trouve qu'il y a plein de formes d'amour différentes et c'est celles qui pour moi sont les plus intéressantes à investir. L'amitié, tout ça, tout ça. C'est quelque chose qui fait qu'on aime bien les autres gens. Des fois, on les aime très très intensément, des fois on les aime un peu moins. Il y a beaucoup de films qui parlent de l'amour, il y a beaucoup de chansons qui nous parlent de l'amour très très romantique ou très très fort. Après, bah voilà, après des fois on essaye de trouver d'autres solutions d'aimer soit les personnes qu'on dit en couple, soit nos amis, parce que des fois c'est un peu chiant comment on dit d'aimer les gens. Une étoile filante peut-être, et aussi une bulle de savon qui éclate. Et bah moi ça continue à bien marcher hein, d'écouter toutes ces voix qui nous parlent d'amour. Et on faut tenir encore, allez, 5 petites minutes avec nous pour qu'on ait 1h10 sur l'amour. C'est au moins ça qu'on peut s'offrir sur Radio Dio quand même. On voulait parler de lubrifiant. Ah oui, parce bien sûr. Faut pas oublier. Bah ouais, on s'est dit quand même, on fait un truc sur l'amour, il faut qu'on parle de lubrifiant. Et de réduction de risque. Et de réduction du risque, c'est ça. Parce que pour la masturbation, pour les rapports pénétratifs génitaux, pour s'en mettre à d'autres parties du corps que sur les parties génitales, c'est quand même super le lub. Pour glisser sur le sol. Pour glisser sur le sol, pour coller des affiches. Voilà, il y a déjà eu beaucoup de très beaux spots publicitaires sur tout ce qu'on peut faire avec du lube, en tout cas. Pour fabriquer des post-it DIY, parce que c'est des petits mots d'amour. Eh ouais, carrément, c'est ça. En tout cas, voilà, vive le lube. Et on avait une spécialiste qui devait venir nous proposer des recettes DIY de lubrifiant, mais ça sera pour une prochaine fois. En attendant, il faut savoir que le X-Lube, qui a quand même un super nom, ça existe et ça peut se commander sur Internet et ça fait du lubrifiant vraiment pas cher. C'est une petite poudre qu'on dilue dans de l'eau et on peut en avoir des quantités, des quantités, des quantités astronomiques. Et on peut même mettre du colorant dedans pour avoir... On peut s'amuser beaucoup, c'est vraiment toutes les formes que vous pouvez imaginer de faire quoi avec du lube, avec 20 litres. C'est ça. Du coup, n'hésitez pas, comme un ouragan vous recommande au minimum 30 litres de lubrifiant par jour. Et une dernière chanson avant de se dire au revoir. Eh oui, non. Attends, il y a un petit message qui est arrivé qui dit « J'arrive pas à vous écouter sur Internet, mais voilà ma petite participation pour l'émission. Sur mon sachet de thé yogi, thé, ce matin, il y avait écrit « Une vie sans amour est comme un voilier sans voile. » Et ça m'a fait réfléchir. Pas vous ? Moi, ça ne me fait pas réfléchir. Eh bien, comme ça va laisser nos auditeurices sur un intense brassage de cerveau. C'est et clair. Une question ouverte pour jusqu'à la prochaine émission. Carrément. Et pour se dire au revoir, on écoute une chanson très très magnifique proposée par quelqu'un qu'on aime beaucoup beaucoup aussi et qui est chantée encore une fois par Kate Tempest qui parle très très bien d'amour et la chanson elle s'appelle I Trap You. Ciao ciao. Ciao à la semaine prochaine. Non, à dans 15 jours. Dans 15 jours. Et bien sûr. Love. Ouais. Love is a self-made thing. I am free. I stare at the air and I see patterns. And your name is a song in my chest. The taste is metallic. How many billions walk this planet? I feel them. I feel them. You show me my mass. Love is an endless sky. An endless cliche that imagines itself to be deep revelation. An open face, an open palm, an open plain. All open. The more that we close it, the less that we know it. And just 'cause I know it, don't mean I know how to show it. They're taking everything from us and telling us nothing is ours, but here we are, dancing. You make me a microscope. You make me a map. I called it love. I should have called it trap. I trap you, I should have said tenderly, at the end of a long day, while we kept each other desperately stagnant. I trap you so much. Yes, I want you to be happy, but don't threaten my happiness. Can't you see? I'm walking this threadbare tightrope.